La nuit était noire, pleine d'astres, parcourue par une haleine embrasée, par un souffle pesant, chargé d'ardeur, de fermentation, de germes vifs qui, mêlés à la brise, l'alentissaient. Elle promenait sur les visages une caresse chaude, faisait respirer plus vite, haleter un peu, tant elle semblait épaissie et lourde. Les yoles se mettaient en route, portant à l'avant une lanterne vénitienne. On ne distinguait point les embarcations, mais seulement ces petits falots de couleurs, rapides et dansants, pareils à des lucioles en délire, et des voix couraient dans l'ombre, de tous côtés. La yole des deux jeunes gens glissait doucement. Parfois, quand un bateau passait près d'eux, ils apercevaient soudain le dos blanc du canotier, éclairé par sa lanterne. Lorsqu'ils eurent tourné le cou de la rivière, la grenouillère leur apparut dans le lointain. L'établissement, en fait, était orné de girandoles, de guirlandes en veilleuses de couleurs, de grappes de lumière. Sur la Seine, circulaient lentement quelques gros bachots représentant des dômes, des pyramides, des monuments compliqués, en feu de toutes nuances, des festons enflammés traînés jusqu'à l'eau. Et quelquefois, un falot rouge ou bleu, au bout d'une immense canne à pêche invisible, semblait une grosse étoile balancée. Toute cette illumination répandait une lueur à l'entour du café, éclairée de bas en haut, les grands arbres de la berge, dont le tronc se détachait en gris pâle, et les feuilles en vert laiteux sur le noir profond des champs et du ciel. L'orchestre, composé de 5 artistes de banlieue, jetait au loin sa musique de bastringue, maigre et sautillante, qui fit de nouveau chanter Madeleine. Elle voulut tout de suite entrer. Paul désirait auparavant faire un tour dans l'île, mais il dut céder. L'assistance était épurée. Les canotiers presque seuls restaient, avec quelques bourgeois clairsemés et quelques jeunes gens, flanqués de filles. Le directeur et organisateur de ce cancan, majestueux, dans un habit noir fatigué, prenait en tout sens sa tête ravagée de vieux marchands de plaisirs publics à bon marché. La grosse Pauline et ses compagnes n'étaient pas là. Et Paul respira. On dansait. Les couples face à face cabriolaient éperdument, jetaient leurs jambes en l'air, jusqu'au nez des vis-à-vis. Les femmes, désarticulées des cuisses, bondissaient dans un enveloppement de jupe, révélant leurs dessous. Leurs pieds s'élevaient au-dessus de leur tête, avec une facilité surprenante, et elles balançaient leur ventre, frétillaient de la croupe, secouaient leurs seins, répandant autour d'elles une senteur énergique de femmes en sueur. Les mâles s'accroupissaient comme des crapauds, avec des gestes obscènes, se contorsionnaient, grimaçants et hideux, faisaient la roue sur les mains, ou bien, s'efforçant d'être drôles, esquissaient des manières avec une grâce ridicule. Une grosse bonne et deux garçons servaient les consommations. Ce café-bateau, couvert seulement d'un toit, n'ayant aucune cloison qui le séparât du dehors, la danse échevelée s'étalait en fin de la nuit pacifique et du firmament poudré d'astres.